me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce écrire avec un cœur complet à l'époque paléo-babylonienne, demande l'assyriologue Dominique Charpin. Qui lit le courrier ordinaire du roi envoyé par les fonctionnaires? Qui est le Tupchar Chakakim? Dominique Charpin, titulaire de la chaire Civilisation mésopotamienne, épigraphiste de terrain jadis à Mari en Syrie et à Larsa en Irak, et depuis 2015 sur le site d'Our avec la mission américaine qui a repris les fouilles, achève aujourd'hui la série « Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance ». Dominique Charpin nous a entraînés depuis la semaine passée dans une grande enquête autour des processus de rédaction, d'acheminement et de lecture des lettres diplomatiques, privées ou à usage commercial, de différentes missives citées avec saveur et passion, missives rédigées entre 2000 et 1600 avant notre ère. Co-éditeur des Archives royales de Mari, dès l'ouverture de cette série, Dominique Charpin a mis à l'honneur les milliers de tablettes d'argile trouvées dans ce palais syrien et notamment cette correspondance que l'archéologue André Parot a pu qualifier de quai d'Orsay au bord de l'Euphrate. Si l'épigraphiste marque son attachement à ce fonds prestigieux où se distingue le dernier roi, le fameux Zimri-Lim, face à Hammurabi de Babylone, il nous fait entendre aussi la voix des royaumes voisins. Nous découvrons ainsi les lettres de Shamshi-Adou, roi des Kalatoum. Dès lors, comment les lettres étaient-elles lues et archivées? Et c'est toute une organisation qui se fait jour avec les coffres aux lettres, mais aussi les coffres portatifs quand le roi est en voyage, sa correspondance le suivant. Nous assistons à la circulation des lettres, à l'exigence du message écrit ou au contraire strictement oral quand se fait jour la peur de l'interception. Comment savoir aussi si un message est vrai quand il est seulement dit ? Dominique Charpin, au fil des extraits, nous montre comment le devoir d'informer le roi est devenu central. Au plus près des mots et des formules qu'il analyse, Dominique Charpin fait émerger et la liberté de ton des locuteurs, mais aussi l'autocensure. Il questionne le risque des fausses nouvelles, les clauses de secret dans les traités. Mais avant d'aborder ces ultimes questions, Dominique Charpin nous présente le secrétaire du roi, le scribe du secret, le Tupchar Chakakim. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 21 juin 2017 pour le cours de Dominique Charpin, Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance, aujourd'hui, le devoir d'informer le roi. Que devenaient les lettres après qu'elles aient été lues au roi, qu'elles aient été lues par les messagers de rois étrangers ou par son secrétaire? Eh bien, le plus souvent, ces lettres étaient archivées, mais dans certains cas, on les faisait suivre à un autre correspondant. Si les Babyloniens ont pu si facilement isoler les lettres des serviteurs de Shamshi-Adou, autrement dit la correspondance du temps de Yasmaradou, des lettres adressées à Zimri-Lim, c'est manifestement qu'ils ont utilisé un classement préexistant. Et par ailleurs, l'examen des numéros d'inventaire permet de montrer que certains lots de correspondances ont été retrouvés groupés. La conclusion est donc que les rois gardaient la totalité des lettres qu'ils recevaient. On peut voir que, dans certains cas, un correspondant demandait spécialement au roi de conserver la lettre qu'il envoyait, comme dans cet inédit, « Que Monseigneur conserve ma présente tablette en témoignage de mes propos ». Et nous verrons la raison pour laquelle cette indication a été donnée. L'endroit où les lettres étaient conservées s'appelait tout simplement le coffre aux lettres, comme l'indique une lettre encore inédite de Sumru Rabi à Sinmubalit, le secrétaire de Yasmaradou. « Expose tout cela devant Monseigneur et écris-moi ce qu'il en est. En outre, à présent, dans le coffre des messages, hein, Pishan Shipiratim, la tablette que tu... » Et puis, malheureusement, la suite est cassée, mais la simple mention de ce coffre est quelque chose de tout à fait intéressant. Malheureusement, je n'ai pas réussi encore à trouver d'indication sur l'endroit où ce coffre était conservé. Mais je vous rappelle ce que nous avons déjà vu, à savoir que la salle 115, où la très grande majorité de la correspondance a été retrouvée, ne saurait être considérée comme l'endroit où, normalement, les coffres de la correspondance étaient conservé, c'est là où les Babyloniens, après avoir mis des étiquettes nouvelles, avaient entreposé ces coffres qui étaient destinés ensuite à partir en traversant la cour 131 et ensuite à repasser par la porte nord, celle où on a retrouvé un fragment d'enveloppe, enfin un fragment d'étiquette, pardon, analogue à ce que nous avons pour ce qui a été retrouvé dans la salle 115. Alors reste une question, c'est qu'est-ce qui se passait lorsque le roi voyageait ? Il recevait des lettres ? Eh bien, nous avons des indications qui montrent que ces lettres étaient conservées et archivées elles aussi. Tout simplement parce que notre connaissance des événements et de la chronologie est devenue maintenant suffisamment fine pour que nous puissions savoir que telle ou telle lettre a été reçue par le roi lorsqu'il se trouvait, par exemple, du côté de la Méditerranée, au moment où les Élamites ont envahi la Mésopotamie. Eh bien, on a des lettres qui sont adressées à Zimrilim à ce moment-là, qui disent « Les Élamites ont envahi ». Nous savons exactement où était à ce moment-là Zimrilim, et donc ça veut dire que ces lettres-là ont été ont suivi le roi, je dirais, jusqu'à son retour dans le palais. Et nous avons une lettre qui a été manifestement reçue dans de telles conditions et qui s'achève de cette manière. « À présent, je viens d'écrire à Monseigneur l'affaire que j'ai constatée, que Monseigneur fasse ce qu'il y a lieu de faire, que ma présente tablette soit conservée dans le coffre portatif de Monseigneur en témoignage de mon affaire. » Et cette fois-ci, il est question du Pishan Katim, donc un terme différent de celui que nous avons rencontré tout à l'heure, où on parlait du coffre des messages. Et ce Pishan Katim, nous savons que c'est le coffre qui suivait le roi dans ses déplacements, comme l'a très bien montré Pierre Villard dans la rencontre de Paris de 1991. Par conséquent, donc, le secrétaire du roi l'accompagnait dans ses déplacements, archivait le courrier reçu dans ce coffre portatif et ensuite, une fois revenu dans le palais, transférait le contenu de ce petit coffre dans un grand coffre qui était le Pishan Shipiratim, l'endroit où l'on archivait le courrier. Alors, dans les fouilles du palais de Tel Biya, l'antique Toutoul, nos collègues allemands ont surtout retrouvé des documents administratifs, mais il y avait une lettre écrite par quelqu'un qui s'appelle Enlilipouche et qui est une lettre écrite à Monseigneur. Et on aurait pu se dire que c'était une lettre qui avait échappé à ce processus normal, c'est-à-dire une lettre qui serait arrivée à Yasmaradou au moment où celui-ci résidait dans son palais de Toutoul et qui, pour une raison quelconque, n'aurait pas été emportée au palais de Marie pour archivage. Mais grâce à la photo qui est maintenant disponible sur le site du Sidélaï, vous voyez que il y a des passages qui ont été effacés, manifestement volontairement, et donc on peut se demander si en réalité il ne s'agit pas d'un brouillon de tablette qui finalement n'a jamais été envoyé et donc évidemment n'avait aucune vocation à rejoindre les archives de la correspondance dans le palais de Marie. Je voulais vous signaler cette incertitude. Mais l'archivage n'était pas le seul sort que le courrier reçu par le roi pouvait connaître. Il y a en effet certaines lettres qui ont été lues plusieurs fois. Il arrivait, par exemple, que Samsiadou transmette à un de ses fils une lettre qui lui avait été adressée, comme dans cet exemple qui concerne Yasmaradou. « Voilà que je te fais porter la tablette que Tsoupriérar m'a fait porter, écoute-la. » Donc on a une lettre de Tsoupriérar à Samsiadou, et pour une raison quelconque, Samsiadou a souhaité que Yasmaradou en ait connaissance. En sens inverse, nous voyons que le roi de Shushara, Kouwari, a envoyé une lettre à Ishmedagan, et Ishmedagan a fait suivre cette lettre à Samsiadou. Et c'est Samsiadou, finalement, qui a répondu à Kouwari. Et donc la lettre est rédigée de cette manière. « Dit à Kouwari, ainsi parle ton seigneur, Ishmedagan m'a envoyé la lettre que tu avais envoyée à Ishmedagan, donc que tu lui avais envoyée, et je l'ai écoutée. Maintenant, je viens de t'envoyer une troupe et des messagers que j'ai pourvus d'instructions. » Donc on a une sorte de circulation triangulaire, en l'occurrence. Certains fonctionnaires jugeaient également nécessaire de faire suivre au roi du courrier qu'ils avaient reçu avec une lettre d'accompagnement. On voit par exemple Laoum écrire « Voilà que j'ai mis sous scellé la tablette de Yashub-El, qu'il a fait porter chez moi relativement aux habitants, et que je viens de la faire porter chez Monseigneur. Que Monseigneur l'écoute. » Les messages que nous avons examinés donc sont pour l'essentiel des messages transmis par écrit, mais malgré l'invention de la correspondance, eh bien, on avait parfois toujours recours à des messages transmis par oral. Il faut commencer par rappeler que le verbe « chaparum », que très souvent on traduit par « écrire », ne signifie en tant que tel rien de plus que « envoyer un message ». Et c'est contextuellement qu'on peut savoir si ce message est écrit ou oral. Et on le voit dans un certain nombre de textes. Par exemple, cette protestation d'une princesse qui s'appelle Tarish Ratoum et qui écrit ceci. « La jeune Beltania Marie a dit à Kibridagan, son père, citation, « Tarish Ratoum a envoyé un message et on m'a dépouillé de mes agrafes et de mon anneau en argent. » Voilà ce que j'ai appris, et mon cœur s'est fortement courroucé. En agissant ainsi, qu'aurais-je cherché ? Allons. » Et la phrase importante est ici, « Que se produise le messager à moi, ou bien qu'on donne la tablette à mon sceau, de l'époque où, suite à un message de moi, on aurait dépouillé sur mon ordre cette jeune fille de sa parure. » Donc ici, on voit bien les deux possibilités, un messager porteur d'un ordre oral, ou bien une tablette à mon sceau. On a vu que c'est toujours un raccourci pour une lettre sous enveloppe scellée. Et Tarish Ratoum se défend contre l'une ou l'autre des accusations. Selon les cas, donc, on préférait l'un ou l'autre des modes de communication. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'insistance d'un correspondant pour que la réponse de Kouwari à sa lettre soit mise par écrit. « Que tes nouvelles ne m'arrivent pas par un message oral, envoie-les-moi par écrit. » Et il y a au contraire des moments où on ne veut pas passer par l'écrit, mais où on souhaite une discussion face à face. Par exemple, Meptoum écrivit à Zimrilim, « Chalouroum, c'est un général des Shtouna, m'a écrit depuis Al-Kapim en ces termes, viens que nous parlions face à face. » C'est notre traduction, l'Akkadien dit littéralement « bouche à bouche ». Donc il y a une discussion entre deux responsables importants. Et Meptoum, évidemment, dans un cas de ce genre, en prévient Zimrilim, là encore, pour éviter une accusation de collusion avec l'ennemi. Dans certains cas, pour parer au risque d'interception du courrier, les messages n'étaient pas mis par écrit. Par exemple, le roi de Zoura écrit au général Mariot Yassimel « Je n'ai absolument pas fait porter de tablette. L'affaire que tu m'as mandée, je la transmettrai par la bouche de mon serviteur et de son serviteur. » Donc, pas question de recourir à l'écrit, c'est trop dangereux. Un autre exemple est intéressant. On voit la princesse Atrakatoum, une sœur de Zimrilim, qui révèle au roi de Mari l'existence d'un complot à la cour de son mari, Soumoudabi, qu'elle souhaiterait exposer en détail lors d'une rencontre avec Zimrilim en personne. Et elle ne procédera à une communication écrite que si elle en reçoit l'ordre explicite. Le Bédouin, le cheikh que Monseigneur avait une fois envoyé à Soumoudabi et à qui Soumoudabi avait attribué une ration d'étoffe, un beau jour, au milieu de la nuit, est entré ici et il a rapporté à Soumoudabi toutes sortes de choses. Donc c'est un messager qui avait reçu un présent, et là on voit que, contrairement à tous les usages, n'est-ce pas, il vient faire une communication secrète au lieu de délivrer son message lors d'une audience comme nous l'avons vu. « Lorsque je me rencontrerai avec Monseigneur, je lui répéterai toutes les paroles de ce personnage. S'il n'en est pas ainsi et si l'affaire lui presse, qu'il m'écrive ce qu'il doit en être, je ferai écrire sur une tablette le détail de ce que cet homme a dit et je le ferai porter à Monseigneur. » Donc on voit qu'a priori, la princesse préférerait n'avoir recours qu'à l'oral, mais si jamais c'est nécessaire, à ce moment-là, elle transférera les propos sur une tablette. Et je vous rappelle que ce Soumoudabi, c'est à lui qu'étaient adressées les lettres qui ont été interceptées et transmises à Zimrilim. Donc on voit que le petit jeu à ce moment-là, c'était d'intercepter le courrier dans un sens ou dans l'autre. Et ici, on voit bien que la sœur de Zimrilim a peur que le courrier qu'elle pourrait apporter soit intercepté, mais cette fois éventuellement par des hommes de son mari. Et à ce moment-là, elle se retrouvait dans une situation évidemment un peu compliquée. Il arrive que soit exprimée la notion que certains sujets ne peuvent pas être mis par écrit. Par exemple, dans ce texte inédit, « Si ton Seigneur est malade et n'est pas venu, eh bien qu'il te donne des instructions, porte toi-même un rapport complet à mon Seigneur, car c'est une affaire que l'on ne peut mettre par écrit. » Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit, bien entendu. Samsi Hadou était malgré tout conscient des dangers d'une communication purement orale. Et on le voit dans une lettre qui a été retrouvée à Shamshara. Il y a un envoyé du roi des Goutis qui lui délivre un message. Et la question est de savoir, est-ce que c'est un message authentique ou pas? Et Samsi Hadou explique les différents tests qu'il a pratiqués pour déterminer si ce que l'envoyé a dit était vrai ou pas. Les messagers qui transmettaient un message purement oral devaient faire la preuve de leur mission et donc ils étaient souvent pourvus d'une lettre d'accréditation. Je voudrais, pour terminer le cours de cette année, formuler un certain nombre de remarques à caractère davantage politique concernant l'obligation d'informer le roi. Alors, il faut commencer par quelques données chiffrées. Le projet Archibab a permis d'obtenir l'inventaire complet des textes d'archives d'époque paléo-babylonienne publiés depuis 1881 et à ce jour, sauf erreur ou omission comme dit la banque, nous avons 32 827 documents qui ont été intégralement publiés, dont plus d'un quart issus des seules archives de Marie. Et sur les 8962 textes de Marie actuellement publiés, on en a 28,5%, c'est-à-dire 2559 qui sont des lettres. Il s'agit essentiellement de la correspondance passive des deux derniers rois de Marie. Donc, on voit que Yasmaradou a écrit 41 lettres et reçu 483 lettres, et que Zimrilim a écrit 86 lettres et reçu 1624 lettres, ce qui fait que le total de la correspondance royale pour ces deux souverains, active et passive, donne 2234 lettres sur un total de 2559. Donc ça signifie qu'il n'y a que 14% de lettres qui ne sont pas des lettres écrites au roi ou par le roi. Si l'on considère le seul règne de Zimrilim, qui a duré à peu près 13 ans, on a donc 1624 lettres adressées au roi, ça donne une moyenne de 10 lettres par mois, c'est-à-dire une lettre tous les 3 jours, mais il est bien évident que ce chiffre est à augmenter, d'abord en tenant compte des textes encore inédits, qui obligeront sans doute à doubler ce chiffre, et puis par ailleurs en rappelant ce qu'on a vu au début, c'est-à-dire qu'une partie de la correspondance est certainement partie à Babylone, puisque ne sont restés que 7 coffres dans la salle 115. Et donc, on peut dire que Zimrilim a à peu près certainement reçu en moyenne plus d'une lettre par jour. Et il faut tenir compte d'un dernier paramètre. Il y a dû avoir des périodes de creux et, au contraire, des périodes de crise Pendant ces périodes de crise, c'est certainement plusieurs lettres par jour qui parvenaient au roi. Et on a une lettre de Soumiya à Yasmaradou, juste au moment de la déconfiture du royaume de Haute-Mésopotamie, qui montre bien qu'en période troublée, le courrier doit circuler rapidement. « Monseigneur m'envoie régulièrement des tablettes et j'envoie réponse aux tablettes de Monseigneur le jour même. Le messager de Monseigneur met un jour complet à venir. Dès le lendemain, je le réexpédie chez Monseigneur. Comment peut-on dire que j'ai montré de la négligence à prendre connaissance des messages que Monseigneur m'envoie régulièrement ?» Et en sens inverse, on voit Ishmedagan reprocher à son frère Yasmaradou de ne pas lui envoyer assez de nouvelles. « J'ai appris par des bruits que tu avais reçu des secours. Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des nouvelles de toi et de la situation de la région ? Fais-le continuellement. » Si les lettres étaient si abondantes, c'est notamment parce que les serviteurs du roi avaient obligation de le tenir au courant. C'est ce qu'on commencera par examiner. Nous verrons ensuite qu'il fallait non seulement informer le roi, mais lui envoyer de préférence des informations fiables, et la question est de savoir comment on s'y prenait. Et enfin, on analysera pour terminer les cas où l'on décidait de ne pas écrire. L'obligation d'informer le roi de tout était au cœur de la fidélité que chacun de ses sujets lui devait. Et certains y étaient astreints par serment, mais tous avaient peur que le roi ne soit informé par un autre biais, ce qui les obligeait à écrire, même quand ils n'avaient que de mauvaises nouvelles à transmettre. Et accessoirement, cette obligation allait jusqu'à pousser certains officiels à écrire pour ne rien dire. Alors, on possède le texte de plusieurs serments de fidélité qui devaient être prêtés par différents serviteurs du roi au moment de leur entrée en fonction. Jean-Marie Durand avait publié dans RM 26.1 le texte numéro 1 qui est le serment des devins. Et dans, un peu plus tard, dans les Mélanges Garelli, il avait publié d'autres textes analogues et j'ai complété le corpus par un texte du même genre dans les Mélanges Foster et il y a 7 ans maintenant. Dans tous ces textes, le devoir d'informer le roi occupe une place centrale. Et l'une des principales obligations concerne l'information sur toute rébellion qui se préparerait contre le roi. On a un texte fragmentaire qui contient cet engagement. Le rebelle qui est parti de l'intérieur de mon pays, si pour que se soulève le pays, il écrit un propos mauvais, message de rébellion à moi-même, ou au commandant qui est mon supérieur, ou à quiconque dans mon pays, dont j'entendrai lire la missive, ou dont j'entendrai parler autour de moi, si j'entends parler de son affaire, je jure que le jour même, je le dirai à Monseigneur Zimrili. On trouve aussi dans le texte que Jean-Marie Durand a désigné comme protocole des Bédouins, cet engagement. « Je jure de ne pas pécher envers Zimrilim, Monseigneur, et la parole inamicale prononcée par les Bédouins de la steppe ou par les gens des différentes villes que j'entendrai, disant « Zimrilim et sa descendance ne nous gouverneront plus », sans prendre part au mal préparé contre Zimrilim et sa descendance, je la répéterai, et puis ensuite ça se casse, mais on peut penser que par parallélisme avec les textes qu'on connaît, sans attendre, je l'écrirai au roi Monseigneur, etc. » Alors, ces serments n'étaient pas limités au royaume de Marie. On possède ainsi le texte de l'engagement que devaient souscrire les sujets du roi de Carana à Skouradou vis-à-vis de leur propre roi, mais aussi vis-à-vis du seigneur de celui-ci qui était le roi de Marie, Zimrilim. Un de ces engagements était formulé ainsi. « Si Hagbahamu ou les principaux serviteurs se rendent coupables d'une faute ou d'un manquement envers Skouradou leur seigneur, je jure de le dire le jour même à Skouradou, mon seigneur. Je jure de ne pas le lui cacher. S'il se trouve incité à Skouradou, mon seigneur, à la révolte, je jure de le dire à Zimrilim, fils de Yardoulim, roi de Marie et du pays bédouin, et de le lui écrire. » Et on voit bien la différence ici. Obligation de dénonciation par oral à Skouradou, parce que le roi se trouve sur place. Mais en revanche, par rapport à Zimrilim, qui est au loin, eh bien, dans ce cas-là, évidemment, il faut lui écrire cette affaire. Quand un individu accomplissait ainsi son devoir de dénonciation, il le soulignait parfois, et Zouhadnim écrivit ainsi au roi de Marie pour l'informer de la volonté de révolte des habitants d'une petite localité qui s'appelle Zinian, et il termina en ajoutant « À présent, je viens d'écrire à Monseigneur l'affaire que j'ai constatée, que Monseigneur fasse ce qu'il y a lieu de faire, que ma présente tablette soit conservée dans le coffre portatif de Monseigneur en témoignage de mon affaire. Autrement dit, il ne faudra pas que par la suite on puisse m'accuser de ne pas avoir dénoncé cette tentative de rébellion. » Nous avons analysé l'année dernière les clauses des serments d'alliance entre les rois et une des catégories d'engagement qu'on trouve dans ces textes, généralement qualifiés de traités, rentre dans la catégorie du renseignement, et notamment cette obligation d'écrire. Alors, on a des exemples nombreux, mais on peut ajouter ce rappel historique d'Ibaladou, le roi d'Ashlaka, dans une lettre. « Après que j'eus reçu mon ordre de mission, Monseigneur me fit prêter le serment par les dieux. Dans le serment par les dieux, il était rappelé, si tu ne livres pas la ville qui est hostile à ton seigneur et que tu n'écris pas à Zimrilim, ton seigneur, les propos bons ou mauvais que tu entends, que ces dieux saisissent Ibaladou. Nous avons prêté le serment par les dieux et nous sommes partis. » Donc il y a bien l'obligation d'informer qui est au cœur de ce serment. Et ce qui est intéressant, c'est que la clause d'information et de dénonciation a souvent un symétrique, à savoir l'obligation de tenir certaines informations secrètes. On trouve par exemple dans le serment d'alliance que le roi d'Eshnouna voulait faire prêter à Zimrilim, cette clause, qui correspond au paragraphe 4 du texte, « Lorsque les grands feudataires de mon père » c'est le roi de Marie qui doit jurer cela, hein. « Lorsque les rois grands feudataires de mon père se seront mis en route et qu'il écrira pour lever ses armées et ses troupes d'appui, si Dourchoum, le » il y a un titre qui est cassé, « d'Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi d'Eshnouna, mon père, et les grands feudataires qui seront arrivés réfléchissent au texte du message concernant leur levée et l'exposent devant moi, ce conseil et cet avis, bon ou mauvais, tout ce qu'ils me diront, je ne l'écrirai à aucun roi ou grand qui existe dans tout le pays, qu'il soit ennemi ou même allié d'Ibalpiel, fils de Dadoucha, roi d'Eshnouna, mon père, ni ne le ferai dire, je ne dirai pas à mes propres serviteurs ce message secret. » Donc, l'obligation de verrouiller des informations aussi sensibles que le rassemblement des troupes. Un autre exemple figure dans le traité de Tel Leilan qui a été numéroté 1, au paragraphe I. « À partir d'aujourd'hui et tant que je vivrai, la parole confidentielle et secrète que Karnilim et Haya Aboum me diront, je jure de ne pas l'écrire à un roi, à un grand ou à toute personne, quelle qu'elle soit, qui se trouve dans le pays, et de ne pas la faire connaître, sans doute, et je jure de ne pas faire porter de tablette. » ni par oral, ni par écrit. La parole confidentielle et secrète que Karnilim et Haya Aboum me diront, je jure de faire en sorte de la garder et de la... un verbe manque. Je jure de ne pas la divulguer pour la faire connaître et je jure d'aider à la conserver. Donc c'est vraiment l'obligation de tenir secrète des informations sensibles. Je l'ai déjà indiqué, le bon serviteur devait écrire au roi, même si c'était pour lui annoncer une mauvaise nouvelle ou lui indiquer que sa décision n'avait pas les résultats escomptés. Alors, des précautions n'étaient pas superflues dans un tel contexte et même pour des proches du roi comme Sametar, on voit que on prend, si je puis dire, des pincettes. « Dis à Monseigneur, ainsi parle Sametar, ton serviteur, j'ai entendu ceci dans mon entourage, on va envoyer, et puis là il y a le nom d'un messager qui est cassé, qui commence par A, on va envoyer ce messager à Eshnouna. » Fin de citation. « Il ne convient pas que l'on envoie cet homme à Eshnouna, » continue Sametar. « C'est un natif de Rapikoum, et Eshnouna a littéralement jeté le bâton contre les gens de Rapikoum. » Signe d'hostilité manifeste. « Il est à craindre qu'on ne s'empare de lui à la porte du palais en disant « c'est mon serviteur ». Autrement dit, ce messager serait considéré comme un sujet du roi d'Eshnouna et donc, poursuit Sametar, on va le terroriser et lui faire dire les secrets de Monseigneur, son déplacement n'est pas heureux. » Et là, il y a une phrase très intéressante. « Voilà que j'ai écrit ce qui convenait à mon état de serviteur, que Monseigneur fasse ce qui convient à sa royauté. » Mais Sametar ajoute quand même une suggestion. « Au lieu que cet homme aille à Eshnouna, qu'il aille à Babylone, la route de Babylone est sans embûche. Sinon, qu'il aille au Yamhad ou à Katna. S'il n'en est pas ainsi, que Monseigneur l'envoie à Kourda, au Noumra ou au Yamoudbal. Autrement dit, partout, mais pas à Eshnouna, parce que c'est trop risqué, et donc on risque de lui faire avouer, sous la torture, des choses qu'il n'est pas bon que le roi d'Eshnouna connaisse. Donc on a cette phrase clé. Voilà que j'ai écrit ce qui convenait à mon état de serviteur, que mon seigneur fasse ce qui convient à sa royauté. Ça fait partie de la rhétorique constante à l'époque, et on a des dizaines et des dizaines d'attestations de cette même phrase. Même si on a pris le risque de déplaire au roi, on a le sentiment d'avoir accompli son devoir, mais bien entendu, c'est le souverain qui devra prendre la décision finale. Alors, plus d'une fois, nous pouvons voir si l'avis respectueusement écrit au roi fut pris en compte ou non. Par exemple, le gouverneur de Khatounan avait mis Imrilim en garde contre son projet de recenser sa province comme il le faisait pour les districts centraux du royaume. Une telle mesure aurait un résultat très simple, vider la région de ses habitants peu soucieux d'être mobilisés en cas de conflit, puisque le recensement était essentiellement à but militaire à l'époque. Sa lettre au roi ne nous est pas parvenue, mais nous possédons celle qu'il envoya au même moment au secrétaire du roi Shunuraralu. À présent, si je recense ce district, pas un homme ne voudra demeurer dans ce district. J'ai donc fait rédiger une lettre et l'ai adressée au roi. Écoute cette lettre et rends-y le roi attentif. Si tu es vraiment mon ami, fais en sorte que l'on ne fasse pas partir les habitants de ce district et que je ne sois pas discrédité. Voilà bien encore un exemple où la parole du secrétaire du roi est considérée comme jouant un rôle très important pour les personnes qui s'adressent à lui et lui demandent d'intervenir auprès du roi dans le sens qu'il souhaite. Et en l'occurrence, nous savons que finalement, le roi écouta ce conseil et renonça à recenser le district de Khatounan, de sorte que les grands documents de recensement qui ont finalement été établis cette année-là, eh bien, concernent le district de Mari, le district de Terka et le district de Sagaratoum, et c'est tout. Alors, la nécessité d'informer le roi conduisait parfois à des raisonnements alambiqués, anticipant une éventuelle réaction royale. Notamment, on voit qu'il valait mieux transmettre une mauvaise nouvelle qu'encourir le risque, par la suite, de se voir reprocher son silence. Par exemple, le gouverneur de Terka dénonce d'abord la conduite des Benjaminites qui refusent de livrer les étoffes qu'ils devaient pour la fête d'Ishtar, et qui se justifie de cette manière. Il ne faudrait point qu'ensuite Monseigneur me fasse des reproches dont je ne pourrais me disculper en me disant « Pourquoi ne m'as-tu pas écrit si bien que je n'ai pas pu leur faire des reproches ?» Leur, c'est aux Benjaminites qui refusent de livrer leur dû. Et puis on craignait aussi que le roi puisse apprendre par un autre canal ce qu'on cherchait à lui cacher. On voit ainsi Laguiel, après avoir dénoncé un fauteur de troubles arrivé depuis peu à Imar, qui confie au roi de Mari, « Je me suis dit, il ne faut pas que Monseigneur l'apprenne par une voie détournée et qu'il ne m'en veuille. Voilà pourquoi j'ai informé Monseigneur. Cette affaire est désormais entre les mains de Monseigneur. » Le bon serviteur ne devait pas seulement écrire au roi pour le tenir au courant de la situation, il devait aussi transmettre à son maître des messages de la part de tiers qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitaient pas écrire eux-mêmes. Alors on voit, par exemple, le chef benjaminite d'Adir Hadoun écrire non pas à Zimrilim, mais à Sametar. Et il lui écrit ceci. « Maintenant, transmets cette information à ton seigneur, donc Zimrilim, comme quoi, bien qu'il m'accable de messages, je n'irai pas chez eux, donc d'autres rois étrangers. » Si tu n'en informes pas ton Seigneur, un jour ou l'autre, je t'apostropherai devant Zimrilim en disant « J'ai entendu une nouvelle, je l'ai écrite à Sametar, or Sametar ne l'a pas transmise. » Et tu ne pourras pas me répondre « Quoi, moi, je ne sais rien. Transmets cette information. » Donc, il y a un jeu assez subtil qui s'opère ici. Il en allait de même pour la transmission des rêves ou des prophéties. Une des plus célèbres, c'est celle dans laquelle le dieu Hadou de Kalassou réclamait avec insistance que le roi de Mari lui fasse don du domaine d'Alartum. Alors l'intendant local de Zimrilim était très gêné par cette exigence et il rapporta le message divin à son maître et il prit soin d'ajouter ceci. Auparavant, lorsque je résidais à Marie, quelques paroles que prophète ou prophétesse disait, je la répétais à mon maître. Maintenant que j'habite dans un autre pays, puisque Al-Hartoum se trouve dans le royaume d'Alep, ce que j'entends et ce que l'on me dit, je ne l'écrirai pas à mon maître. Si tôt ou tard quelque dommage venait à se produire, mon maître ne dirait-il pas ceci, la parole que t'a dite le prophète revendiquant ton domaine, pourquoi ne me l'as-tu pas écrite? En conséquence, j'ai écrit à mon maître, que mon maître soit informé. Il y a par ailleurs des lettres qui sont écrites pour ne rien dire, de simples billets de politesse, comme celui-ci. Dis à mon seigneur, ainsi parle ton serviteur Yamatiel, la ville va bien, la troupe va bien, le district va bien, que mon seigneur ne s'inquiète pas, que mon seigneur obtienne ce qu'il désire. Et c'est tout. Donc, l'expéditeur n'a rien de spécial à signaler, mais il tient par ce message à montrer au roi qu'il ne néglige pas son devoir d'information, l'équivalent du célèbre RAS, rien à signaler, des militaires modernes. Collège de France et France Culture vous présente l'assyriologue Dominique Charpin. Lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne, la correspondance. Aujourd'hui, le devoir d'informer le roi. Il ne suffisait pas d'informer le roi, encore fallait-il que les nouvelles qu'on lui transmettait soient exactes et complètes. Et en cas d'erreur, un rectificatif était immédiatement envoyé. En général, son auteur tâchait de faire retomber la faute sur un tiers. Le principe était de ne pas écrire tant qu'on n'avait pas vérifié une information. Parmi bien d'autres, cette lettre de Mebtoum en témoigne. Une tablette de, et puis le nom est cassé, chef de la forteresse de Repoum, m'était arrivée à Der au sujet d'une troupe babylonienne venue ouvrir le canal. Je n'y avais pas prêté foi, me disant « Il se peut bien que ce ne soit pas vrai, tant que j'en ai pas entendu confirmation, je n'ai donc pas écrit à mon seigneur. » Et la confirmation, elle est venue par l'intermédiaire de Khalourabi, une lettre de Khalourabi à Mebtoum, et là encore, Mebtoum l'a fait suivre à Zimrilim, ce qui explique pourquoi elle figurait dans les archives de Marie, et j'ai pu la publier il y a une vingtaine d'années. Yamtsoum, d'une manière inhabituelle, a rappelé les règles devant gouverner la transmission de l'information au roi. Dans la ville de Zilhan, Monseigneur m'avait donné des instructions en ces termes. Tu iras à la ville d'Ilansoura, et tu y surveilleras ce que je t'aurai commandé. Selon les instructions de Monseigneur, j'ai veillé à remplir mon rôle et je n'ai commis ni faute ni manquement à l'égard de Monseigneur. Les nouvelles que j'entends ici et là et que mes yeux voient, tant que je n'ai pas vérifié ces nouvelles, je ne les écris pas à Monseigneur. Il est possible qu'une fois ou l'autre, je n'ai pas vérifié une nouvelle, mais ce n'est en aucun cas un mensonge, car je ne peux pas mentir à Monseigneur. Et ces précautions, dans cette lettre en particulier, s'expliquent par la suite où il dénonce une calomnie dont il se disait victime. Dans certains cas, donc, un correspondant se justifiait de n'avoir pas écrit plus tôt par crainte que le roi ne lui reproche plus tard d'avoir envoyé une information non contrôlée. Le général Ibalpiel, en mission en Babylonie, s'explique ainsi. J'ai attendu d'avoir traversé le carnal Irmina lui-même pour écrire à Monseigneur en me disant « Si j'envoie une tablette à Monseigneur depuis Babylone ou bien depuis Sippar et qu'ensuite Hammurabi change d'idée, il y a une petite cassure, alors Monseigneur me tiendra ce discours. Pourquoi m'as-tu écrit avant d'avoir eu confirmation de ton départ ? Voilà précisément pourquoi je n'ai pas écrit à Monseigneur. À l'heure actuelle, dans la nuit où je fais porter cette tablette de moi chez Monseigneur, je viens de franchir le canal Irnina. Cette lettre et les précédentes que j'ai citées sont très intéressantes aussi parce qu'on y a des beaux exemples de retranscription d'un discours intérieur. Je me suis dit, c'est en réalité une traduction large, moderne, qui correspond à la particule umami d'introduction du discours, mais en l'occurrence, il s'agit d'un discours que les gens se tiennent à eux-mêmes. Toutes ces précautions s'expliquent encore mieux lorsque on a à transmettre une mauvaise nouvelle, en l'occurrence la prise de la vigne par un ennemi. J'avais appris une nouvelle par des rumeurs, mais je n'avais pas encore pu la vérifier et n'avais donc pas écrit à mon seigneur. Mais à présent, un serviteur de Sumchu Rabbi est arrivé et il m'a dit « L'Arim Numra a pris Zirlaloum ». En outre, il a fait entrer dans la ville les moutons des alentours de Zirlaloum. Ensuite, on a deux lignes cassées. Pour l'heure, je viens d'envoyer ce serviteur chez Monseigneur. Donc, maintenant que la nouvelle est certaine, eh bien, on ne peut pas ne pas la transmettre. Dans certains cas, on pouvait écrire au roi des versions contradictoires d'un même événement qu'on avait entendu par plusieurs canaux. Le texte le plus célèbre à cet égard, c'est la façon dont le chef nomal Ibal El a transmis à Zimrilim trois récits différents qu'il avait entendus de la mort du roi d'Apoum, Zouzou. Il y a une fois où on dit qu'il est tombé de la muraille, il y a une fois où on dit qu'il était malade, son corps s'est empli d'eau et il est mort, et puis finalement on nous dit qu'il est mort de la mort du dieu, ce qui doit correspondre à une crise cardiaque ou quelque chose, enfin une mort soudaine. Et donc Ibalel transmet au roi les trois nouvelles en ne sachant pas laquelle est juste, mais apparemment, ce qui est sûr, c'est que le roi d'Apoum est mort. Quand on avait envoyé une fausse information sur la foi de rumeurs inexactes, il fallait bien entendu adresser au roi un rectificatif. C'est ainsi que Yassim Hamou, alors qu'il se trouvait à Babylone, avait écrit dans un premier temps à Zimrilim « Un convoi est arrivé depuis Malgioum et j'ai demandé des nouvelles. On m'a dit « L'empereur d'Elam est mort ». Et ils ont donné cette nouvelle à Hammurabi. Hammurabi s'est beaucoup réjoui. On est juste après l'invasion de la Babylonie par les Élamites. Alors Hammurabi a réussi à repousser les Élamites chez eux, mais il est bien évident que la mort de l'envahisseur était une bonne nouvelle. Même pas de chance, c'était une fausse nouvelle. Et donc on a une deuxième lettre de Yassim Hamou, toujours depuis Babylone, au sujet de l'empereur des lames. J'avais auparavant entendu dire ceci dans mon entourage, l'empereur des lames est mort, et je l'avais écrit à Monseigneur. Et Yassim Hamou poursuit, maintenant, des messagers élamites sont arrivés chez Hammurabi et ils ont dit, il n'est que très malade. Donc, on avait anticipé la mort, mais en réalité, ça n'était pas encore le cas. L'obligation du vassal ou du serviteur fidèle ne consistait pas seulement à écrire au roi, ni à lui envoyer des rapports complets, il fallait écrire de manière sincère. Avec un cœur complet, disait-on à l'époque, ina libim gamrim, c'est un idiome que Martin Stoll a étudié par comparaison avec d'autres analogues qu'on trouve dans la Bible. Une lettre de dénonciation est à cet égard caractéristique. Yamtsum, encore lui, donc qui commandait la garnison mariotte à Ilan Sura, décrivit la conduite du roi local Azimrilim en ces termes. Hayasumu parle à Monseigneur avec la moitié de son cœur et il n'envoie pas à Monseigneur de nouvelles complètes. Donc il n'est pas complètement sincère. Malgré ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, certaines situations se présentaient de façon telle que l'on décidait finalement de ne pas écrire au roi. Alors, il existe d'abord d'assez nombreux cas où l'on préférait ne pas mettre des nouvelles par écrit, mais on observe par ailleurs un certain nombre de cas d'autocensure où l'on s'interdisait volontairement de transmettre des nouvelles au roi. Le premier cas concerne les maladies. On hésitait à écrire pour annoncer que quelqu'un était tombé malade et on préférait généralement attendre son rétablissement. On en a l'exemple par deux lettres de Kibri Dagan. Dans un premier temps, le gouverneur de Terka finit quand même par se résoudre à annoncer au roi la maladie de la grande prêtresse de Dagan, donc quelqu'un de très important. Dame Kunshimmatum est malade depuis 4 jours. Et moi, j'avais pensé, si cela avait été une simple indisposition, c'était une affaire de 1 ou 2 jours qui lui était arrivée. Si jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas écrit à Monseigneur, maintenant Monseigneur est informé. Autrement dit, on voit au passage que si la maladie n'avait pas été grave et n'avait duré que 2 jours, le roi n'en aurait rien su. Mais c'est parce que la maladie persiste qu'Ibri Dagan se sent obligé d'en informer le souverain. Et peu après, qu'Ibri Dagan écrivit une nouvelle lettre. Dame Kunshimmatum a été malade, mais elle est rétablie. J'ai fait prendre les présages concernant sa santé. Ils sont sains. Que Monseigneur n'ait aucune inquiétude. Nous rajoutons, n'ait plus aucune inquiétude pour nous conformer à la façon de nous exprimer en français, l'acadien n'ayant pas cette nuance. On peut également citer le cas de la maladie de la princesse de Katna, épouse de Yasmaradu, qui est sortie danser dans la cour du palais, et il a fallu finalement en informer le roi, ce que font à la fois le responsable du palais, Utsurawasu, et le devin Naram-Sin, mais qui tous les deux cherchent à rassurer le souverain qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. La règle est énoncée par le roi de Babylone lui-même dans une lettre adressée à sa sœur Shamshunitum. « J'ai pris connaissance de la tablette de toi que tu m'as fait porter. Tu m'y écrivais. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit au sujet de ta maladie ?» Et Hammurabi reprend en disant « Il y en a pour qui la maladie est un sujet de correspondance avec leurs frères. Moi, j'écris des nouvelles heureuses. J'étais malade. Maintenant, je suis en bonne santé. » L'autocensure est encore plus importante lorsqu'il s'agit d'annoncer un décès. On a par exemple cette lettre d'une femme nommée Lamassiasur à Yasmaradu. Si jusqu'à maintenant je n'ai pas écrit, c'est que Manatum, la musicienne, s'en est allée au destin et mon cœur était empli de chagrin. Marie et Ashur ne sont pas loin, que Dieu te donne un vaste pays à commander. Marie et Ashur ne sont pas loin, fais-moi porter de tes nouvelles, que te garde Eshtar de Radana, ta mère. Donc une période de retenue qui peut éventuellement correspondre à la période de deuil, ça on n'en sait rien, hein. C'est pas impossible que, du coup, on ne transmette pas forcément toujours la nouvelle d'un décès, et c'est la même raison pour laquelle les prophéties ou les rêves défavorables peuvent ne pas avoir été communiqués au roi. J'avais fait une communication à ce sujet dans le colloque qui s'est tenu ici même en 2011. Quelques règles qui régissent la correspondance entre un subordonné et son supérieur, que celui fût roi ou non, expliquent pourquoi, dans certains cas, des lettres n'ont pas été mises par écrit. En principe, un subordonné ne devait pas écrire au roi sans en référer d'abord à son supérieur, comme le montre cette lettre. Auparavant, lorsque Yassim Soumou vivait encore, Nursin avait l'habitude d'agir ainsi. Tant qu'il ne s'était pas entretenu avec Yassim Soumou, il n'écrivait pas à Monseigneur. Donc on voit que Nursin, qui était un simple intendant, sous l'autorité du ministre de l'économie Yassim Soumou, eh bien, il ne devait pas prendre le calame et s'adresser au roi en court-circuitant l'échelon intermédiaire, comme nous dirions, de nos jours. Le devoir d'information, donc, n'est pas seulement à l'égard du roi, mais de tout supérieur. Et on voit ce Yassim Soumou, avant qu'il ne disparaisse, écrire une lettre sèche à 3 personnages qui étaient ses subordonnés. « Diemoukenishoum et Telchpicharim et Yachetilum, ainsi parle Yassim Soumou, il faut qu'il y ait régulièrement chez moi des tablettes de vous me donnant des nouvelles du palais et des ateliers. » En effet, j'ai pris connaissance de la tablette de vous que vous m'avez fait porter concernant le renvoi des gens. En fait, j'en étais informé avant même que votre tablette ne me parvienne. L'ironie finale cache mal l'irritation du ministre. Enfin, la correspondance avec le roi était par essence dissymétrique. On voit le général Yassim Dagan se plaindre au secrétaire du roi Shunuraralu que lui-même envoie des messages détaillés, mais à des réponses extrêmement succinctes. Toute information que je peux avoir, j'en envoie une version détaillée chez le roi. Or, si une lettre du roi arrive chez moi, c'est pour me dire, vu que l'arrivée d'un tel est proche, je ne t'ai pas écrit en détail. Donc, le roi, apparemment, ou ce secrétaire, prétexte l'arrivée prochaine d'un messager pour ne pas envoyer de courrier. Et je pense que, dans cette lettre dans laquelle Yassim Dagan remet en cause assez profondément l'attitude de Shunuraralu, ici, il y a l'idée que c'est tout simplement de la paresse. Shunuraralu préfère qu'on indique par oral un certain nombre de choses à transmettre à Yassim Dagan plutôt que d'être obligé lui-même d'écrire une tablette. Dans une autre lettre du même général, on trouve une plainte, mais un peu différente. Cette fois-ci, ça n'est pas l'inégalité dans la correspondance elle-même, dans l'information, mais c'est la question du rythme. Comment se fait-il que je fasse porter des tablettes à mon seigneur, mais que la réponse à mes tablettes tarde ? Donc, un texte de ce genre montre que le roi exigeait d'être régulièrement tenu au courant, mais ne se sentait pas tenu de répondre au courrier qu'il recevait. Pour finir, il faut mettre l'accent sur deux points. D'abord, souligner le fait que la liberté de ton assez grande qu'on trouve dans cette correspondance officielle tranche profondément avec le caractère stéréotypé d'autres corpus de correspondance plus tardifs. Une des raisons est sans doute la fréquence des cas où les lettres ont été dictées par les expéditeurs, voire écrites par eux personnellement. Une autre remarque qui est importante, c'est le fait que tous ces phénomènes ne sont pas limités aux principales capitales de la Mésopotamie au XVIIIe siècle, mais ça concernait aussi des personnages moins importants, comme les chefs nomades, qui écrivaient et recevaient beaucoup de lettres et qui étaient furieux lorsqu'ils étaient négligés, comme dans cet exemple. Dit à Yasmahadou, donc le roi yaminite, « Ainsi parle Khamish Tamar, ton frère, qui est un roi ouprapéen. Un messager à moi m'est arrivé et m'a dit « Yasmahadou est en colère parce qu'on ne lui a pas envoyé de tablette. » Fin de citation. « J'avais écrit à mon père Zimrilim, et moi-même je m'apprêtais à partir. Voilà pourquoi je n'avais pas envoyé de tablette chez toi. Aujourd'hui mon départ est proche. Je vais arriver, nous nous rencontrerons, toi et moi, et nous fraterniserons. » Autre chose, pourquoi ne m'envoies-tu pas de tes tablettes constamment ? Je vais bien, envoie-moi de tes nouvelles. Donc un mélange de formules toutes faites sur les échanges de bonnes nouvelles qui n'engagent à rien, et puis l'explication du fait que, en effet, j'ai écrit à Zimrilim, mais pas à Yasmahadou, manifestement parce que il y a notre suzerain qui est le personnage le plus important, et nous sommes des gens moins importants. Donc qu'est-ce que tu as à exiger de recevoir le même traitement que notre suzerain commun Zimrilim ? C'est ça qu'il faut lire entre les lignes de cette tablette. Et la fin s'achève par un reproche à peine voilé. Son correspondant ne saurait se plaindre de ne pas recevoir de lettres alors que lui-même n'en envoie pas. Et on voit que même des petits chefs de tribus dans la région du Zagros voulaient à cette époque-là recevoir des lettres. « Que tes nouvelles ne me parviennent pas par oral, littéralement dans une bouche, envoie-les-moi par écrit, littéralement donc dans une tablette. » Alors, je pense que cette demande ne s'explique pas tellement par un souci de sécurité, mais plutôt c'est une question de prestige, n'est-ce pas ? À l'époque, recevoir du courrier, c'est montrer qu'on est considéré par les autres, et donc c'est de ce point de vue-là, je crois, que cette exigence doit s'expliquer. Et je voudrais terminer aujourd'hui par une conclusion d'ensemble sur quelques aspects de ce que nous avons vu cette année. On a pu voir le degré de sophistication que les échanges épistolaires avaient atteint dans le Proche-Orient du début du deuxième millénaire. Les archives de Marie sont pour l'instant les plus riches d'informations sur les conditions dans lesquelles ces lettres étaient rédigées, acheminées et lues à leurs destinataires ou par eux, mais on a vu que bien d'autres corpus apportent leur contribution à cette enquête. Et on comprend le sentiment exprimé par une femme à l'époque du royaume de Haute-Mésopotamie lorsqu'elle écrivait que, grâce au courrier, les distances étaient en quelque sorte abolies. à présent, j'ai peur qu'Attila ne dise « Marie est loin ». Elle n'est pas loin du tout. La ville de Marie est par rapport à Achour comme les faubourgs d'Achour. Et la ville est proche pour ce qui est du courrier. Donc on voit qu'il y a cette idée que l'échange épistolaire permet de contrebalancer la distance qui, malgré tout, était réelle, plusieurs centaines de kilomètres, entre Marie et Achour. D'une manière plus générale, le recours à la correspondance écrite et non pas à l'oral, que nous avons vu être la règle, malgré quelques exceptions à cette époque-là, eh bien, il est intéressant de la comparer avec la légitimation de la communication écrite qu'on trouve chez Thucydide. Nicias avait toujours eu l'habitude, en d'autres circonstances, d'envoyer de fréquents messages pour tenir ses concitoyens informés de la marche des opérations. Mais il s'agissait cette fois d'une communication particulièrement importante, car il estimait que la situation était critique et qu'il lui fallait au plus vite obtenir soit le rappel du corps expéditionnaire, soit l'envoi de renforts considérables pour qu'elle ne devînt pas tout à fait désespérée. Craignant que les émissaires ne donnassent pas une idée exacte de ce qui se passait, soit parce qu'ils ne sauraient pas s'expliquer, soit par défaillance de mémoire, soit enfin par désir de prononcer des paroles susceptibles de plaire au peuple, il leur confia un message écrit. Donc l'idée, c'est qu'il y a un gauchissement possible par le fait d'une incapacité à être clair, par le fait qu'on ne pourra pas retenir le message, ou le dernier aspect est intéressant par le fait qu'on va gauchir le message. Et donc, il leur confia un message écrit. C'était, selon lui, le meilleur moyen de faire connaître aux Athéniens toute sa pensée sans qu'elle fût déformée par les messagers et de leur permettre ainsi de prendre une décision en toute connaissance de cause. Les émissaires se mirent donc en route, porteurs de sa lettre et munis d'instructions sur ce qu'ils auraient à dire. Alors, c'est amusant de voir que... dans le monde grec, on trouve l'apologie de la correspondance écrite seulement à cette époque, alors que nos rois mésopotamiens avaient compris depuis déjà un millénaire et demi presque l'importance de la chose. Et je terminerai en citant une lettre du roi d'Ashnakum, Shaddoum Labua, qui écrivit peut-être cum grano salis, ceci. Mes serviteurs se sont fatigués à force d'aller chez le chef nomade, le Merhum, et j'ai épuisé l'argile d'Ashnakum pour les lettres que je fais porter sans relâche. Et je vous remercie de votre attention. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 21 juin 2017 Dominique Charpin lire et écrire en Mésopotamie à l'époque paléo-babylonienne la correspondance. Aujourd'hui, le devoir d'informer le roi. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Dominique Charpin. Je rappelle le lien vers Archibab, la base de données internationale qui présente les archives babyloniennes des 20e, 18e siècles avant notre ère. Dominique Charpin a notamment publié « Lire et écrire à Babylone au PUF » en 2008 et plus récemment aux Belles Lettres avec le Collège de France, « La vie méconnue des temples mésopotamiens ». Je rappelle également sa leçon inaugurale « Comment peut-on être assyriologue ?» publiée chez Fayard en 2015. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nouvelle série en compagnie de Claudine Tiercelin, nous interrogerons les liens entre démocratie, connaissance et vérité. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.